tout comme Diano. J'lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Hey. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Ne pars pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Hey. Piloti Copel Coco. J'écoute au malais, elle chante Lolo. Certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Ça charbonne encore donc c'est varié. À la fin du bal on rencontrera les amis. Versace sur ma gauche, l'emmène danser. Il paraît que c'est séché. Dis-moi le prix, je te dis si c'est dans mes corps. T'es pas la vice, là tu pas né hier. Tu fais la meuf qui boude dans le féfé. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon café par Bobo. Ne pars pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Piloti Copel Coco. J'écoute au malais, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien. À cette heure-ci, j'dois être à Miami. Ils ont scellé la sape et la roli. Un peu romantique, un peu gangoli. J'suis un peu Mani, j'suis un peu Tony. À cette heure-ci, j'dois être à Miami. Ils ont scellé la sape et la roli. Un peu romantique, un peu gangoli. J'suis un peu Mani, j'suis un peu Tony. J'suis dans le resto, festin, on le fait à l'instinct. 10 millions et j'laisse tomber. Il faut la crypto, cristo, on a pris le pisto. J'préfère les plats d'un matin. Borriamo un muro al paradiso, scegliamo in sabbi cari, wishing down simplicità, vivere smutto sin bada. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap, on a écouté la mer, a écouté la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages. À la vie, à César et à sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero, Brasil, les fardos, les playas de Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama. Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido. Y te despiertas con un ¿cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche. ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes. Y llegué tarde a la casa, ¿es por qué? Bailé con mi ex y se sintió como la primera vez. Dando vueltas se nos fueron las horas, nos quedamos a solas. Me alegro ver que a él también le va bien. Bailé con mi ex, no quiero que vuelva a pasar otra vez. Me lo encontré, bailamos y revivimos cuando nos conocimos. Sans parler de sommeil, les eaux, mon soleil, on va goûter la vie en entrée plat dessert. Les eaux, mon soleil, si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Trop petit, les hommes superficiels pour toi, c'est trop petit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. T'as fini de donner l'heure à n'importe qui, n'importe. C'est forcément du haut débit. Tu gères les bails, tu veux le respect d'une boss lady. J'ai comment pimenter le reste de ta vie. Oui, t'es rentré, tu veux plus sortir de ma tête. Je suis bien partout avec toi pour être honnête. C'est autour de toi que tourne ma planète. Let's go, mon soleil. S'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie à notre plat désert. C'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Y tú tenías razón, ya tenés mi atención. Perdí tiempo y nunca llegué al corazón. Sé bien lo que yo me merezco. Yo contigo sin miedo yo me arriesgo. Porque si la vida es así, bendición es tenerte aquí. Vamos a seguir el momento. Dejo libre todo lo que siento y yo. Como una estrella. Jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil, on va goûter la vie à notre plat dessert. Les eaux, mon soleil, si c'est pas toi, c'est qui, tu connais mon proverbe. Les eaux, mon soleil, abîmer ton brushing avec le toit ouvert. Les eaux, mon soleil, s'amuser jour et nuit sans parler de sommeil. Les eaux, mon soleil, on va goûter la vie à notre plat dessert. Les eaux, mon soleil. t'es chillé. Vas-y, fais entre les billets. Fais entre les billets. Violet, vert, orange, bleu, turquoise. Le jean, il est déchiré. Une allure un peu givrée. J'envahis ton cœur, tes pensées. Mais là, je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro. Je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. La ville, Saint-Denis, au loin, dans la nuit, on arrive, massif RS6 fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et sous tes pieds les pétales, ouais, ouais. Alors c'est sale, quand il y a tous mes sables. En fait, ils aient le marchand de sable. Et on t'invite à nos tables, ouais. Ça va trop vite, pour les bouteilles de vide. On va rester pourris, n'appelez pas la police. Ça va trop vite, pour les bouteilles de vide. On va rester pourris, n'appelez pas la police. La ville, Saint-Denis, au loin, dans la nuit, on arrive. Massif RS6 fait du bruit. Les dames en panique. Alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. C'est du soleil toute la journée. J'ai perdu dans la brume, j'ai beau. pourrais mourir ici. Mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Ce n'est que des souvenirs. Oh mi amour, je voulais qu'on danse. Qu'on danse sur les toits du monde. Y'a ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se vide. Tu reviens, ce n'est pas la peine. Je sais qui t'es maintenant. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, C'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée. T'étais jamais parti. T'es la moustique en été. Tu crois venir gâcher ma vie. J'apprends que tu es endetté. Malgré tout, je n'en suis pas ravi. Mais si t'es venu pour gratter, écoute bien ce qui suit. C'est quel genre de toupé, t'as eu ta chance, t'as loupé, C'est quel genre de toupé, t'as cru que j'étais ta poupée. Redis-moi où t'étais. Quand pour moi tout était difficile. Redis-moi où t'étais. peine, mes mains, mes yeux, mes reins. Plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent les fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Promesse que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même. Demain, je recherche hier, le temps où ça sent. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. Promesse que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante, ma vie la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi la cour et je réussis à chanter. À chanter la grande France. Porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto. Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. Es porque la sábanas hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Mi dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y cómo no. Un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quedo. bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Chercher dans toute la France, je fais bouger le tisme, je fais partir le tout smart. La zone elle est mineure. Ton vesti les menottes. Charlie Delta au quartier latin. Choco Jota ou Kiki Lotin. Méchant méchant, on a tâté le point. Car depuis longtemps on est culotté. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le ranch en verre. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le parquet toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le parquet toute ma vie, même si je fais le tour du monde. En caisse de qui je t'en ai bon casse. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le bang comme qui je te. J'ai sorti le mic, il est fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le bang ne me quitte pas. J'ai sorti le mic, il est fait danser. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. Je chanterai le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Ay, no me digas que no me quieres. Ay, no me digas que no me quieres. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. equipaje, volver a sonreír, quedarme junto a ti. No sé lo que me pasa, pero juro que no soy así. Que tu juego yo me perdí. Y al final yo ya lo entendí. Mis ojos son tuyos desde que te vi. Quiero más dentro de tu boca. Quiero más. Ya no sé qué hacer si te vas. Yo te vi. Ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer. Si toi te souviens, tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla. Bla bla. C'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby, cause I can't remember you. Les souvenirs manquent à la pelle. Les souvenirs, pour toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu. Difficile d'être un étranger à tes yeux. Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi, des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie. De nos gestes et enfin de nos corps en vie. Et du reste, à la fin, j'ai encore envie. Envie de quoi? Envie de qui? Mais de quel corps? Mais de quelle nuit? Comment? Oh là, je te dérange. J'adore. Ça te dit comment on allait se revoir? Mais quand? Mais tu vois, Aucune idée. Mais tu vas vite te rappeler. Ah bon? Pourtant, l'autre nuit... J'ai oublié. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo. día con todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Me divertía, yo empezaba a vacilar. Aunque de donde dejado vine, rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo que hace coro, porque ahora está arriba. Era lo que la sale no me decía. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo. Tengo ya manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. Bajo lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. J-Cross. Shadow Tower. From Miami. La familia. Directamente desde... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Nazareno. Te da consejos buenos, atiendo mi vez a quien dale la mano al caído, y si acaso mi hermano ha sido, dale la mano también. Chante en solo, maman danse la valse toute seule. Ses rêves d'enfant à l'eau, personne ne rêve d'être seul. Elle a l'amour en prison, elle n'a pas le temps pour le printemps. Garde son bonheur en détention, mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais comme elle manque de souffle. Allô le monde, si vous saviez, si vous saviez. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Maman te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Chante en solo, papa chante en solo. Et moi je leur fais les cœurs un week-end sur deux. J'ai changé de rythme de vie, de tempo. Je cherche mes pas entre sa valse et son tango. On est passé du printemps aux intempéries. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie. Du mal à l'accepter, donc je passe toutes mes nuits à jouer au puzzle avec les photos de famille. Yeah. J'ai le sourire en détention. Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution. Leur problème d'adulte, je te jure, est une sale infection. Une épidémie que connaît ma cour de récréation. Non,

un enfant est là et je cherche sa main pour qu'on me ramène à moi. Elle est dans le chemin. Allez, viens qu'on oublie le poids des années, des paris, les projets déjà dépassés. Je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-moi, ramenez-la, ma douce innocence, bercée d'insouciance. On a voulu jouer les grands, on s'est perdu, je crois. Nous un ami à peine, en se déchirant la voix. Ainsi on n'est jamais seul, mais au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens dans mes nuits. FM, la radio qui nous aime. Attends, avant de souffler sur les bougies, tu vas fermer les yeux et tu vas nous faire un vœu. Et fais-moi confiance. Sérieux ? Ok. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yemenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été au Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Aliyah. J'aurais aimé voyager. voyager à travers le temps. Le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa, puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort, puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus dans mon dos à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, plus aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, la avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7h, une alerte à la bombe dans les deux tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois débrancher le transpo de DR avant que s'il y ait des poules arrivent. J'aurais été chez Punta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants à immigrer. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout ça est impossible, ami. Quand j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais on ne peut vivre que le présent. Sorte, prie pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, se prennent le temps de font que courir. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi un mot, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, mais tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, de plein fois, j'ai qu'une envie abandonnée. Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, m'en sorte. Prie pour que mieux je me porte. Ne me jette pas la faute. Ne me ferme pas la porte. تشردنا بهالأحلام بعرف حبي إلك أكيد كل يوم بحسه يوم جديد يلي عشناه بهالحياة خزانة حلمي اللي جاي حكاية مخباية قادرنا بكرة نبقى سوا أنا ميرانا نوسى بغانا كنوسى شبيرا كسيرا سيرا Em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram para assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. Acabou de entrar com esse teu jeito, já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo e de camelo sabes disso, mas eu sou como tu, só me quero divertir e quero bailar contigo, quero bailar, quero bailar, quero bailar contigo una vez más. Y no hay. Maria Joana, apanha o primeiro ao filho de avó. Saudade, saudade. Na culpa dela dormiu. Diz-me por que não estás aqui. Maria, sempre fico à toa. Saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. Chanel Dior, baby, que fragancia tan rica, delicious. You looking scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Si el rumor es que su nombre es María, María, María, ¿quién diría que me enamoraría aquel día? Dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Et ça tombe me faire un carreau. Juste après la paix, on aligne au décor.

bello perdido. Non posso mai esquecer contigo. Quero viver pra ficar sempre contigo. Da cada a cada e não digas que não. Eu sei que vais gostar do bag na tua mão. Da cada a cada tu não sejas garota. Só quero dar um beijo no canto da boca. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade dentro de mim. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. E quando eu ligo o rádio e ouço tocar aquela nossa canção, eu começo a chorar. O que faço da vida, o que faço de mim? Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Oh, lembro o dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Fazer sofrer, eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada. A vontade de morder, aperta, leva pra casa. Vontade de morder. Levar pra casa esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Facilita! Ó, louca, o capacete que lá vem pedrada. Piseiro tom, é piseiro com reggaeton. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Just a rhythm, rhythm, rhythm, rhythm. Just a rhythm.

grandir, parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem. Chaveco, como é que le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocana, é a brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. L'AFM en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada. deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. No habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel. Eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Se compra con la... Essa que vem de outra vida. Há quem nos queira ver mal, o que para mim já é normal. Não lhes des ouvidos, enfim, ignora. Fica comigo para a vida toda. Minha amiga, minha mulher, não tenho saída. Vou ter que fazer. Checkmate. Checkmate. Afinal o papi, money.

piange de amor. A minha esposa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo, eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo, para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com essa janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar.

presente, pero me encanta saber que lo nuestro es pasado. Ya no hace falta seguir a tu lado, ahora toca poder imaginar, buscar para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado. Que sepas que mi alma tiene ganas de volverse a enamorar. Y aunque a veces tenga miedo de volver a comenzar, la vida sigue hacia adelante y todo llega a su final. Después de todo lo vivido, me he dado cuenta que al final he perdido. Todo ha quedado en el olvido y me ha tocado a mí perder. Es por eso que hoy no será como siempre. Tengo que huir y escapar de tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora ya no estás. Solo quiero volar y encontrar el presente, pero me encanta saber que lo nuestro es pasado. Ya no me falta seguir a tu lado, ahora toca poder imaginar, siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se ha acabado. Es por eso que hoy no será como siempre. Tengo que huir y escapar de tu mirada, tentando la suerte una vez más, sabiendo que ahora solo quiero volar y contar el presente, pero me encanta saber que lo muerto es pasado. Ya no hace falta seguir a tu lado, ahora toca poder imaginar, buscar para siempre la verdad. Solo quiero volar y saber que todo se acaba. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Meu anjo de fogo, deixa-me sonhar. Meu anjo de fogo, ensina-me a voar. Meu anjo de fogo, leva-me no mar. Vou contigo a qualquer lugar. Okay.

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto. Peço silêncio. Numa altura em que são 16 horas no continente de Madeira, menos uma hora nos Açores, a transmitirmos o debate dizer, da deputado, nação. Que essa frase é absolutamente excessiva num parlamento. Augusto Santos Silva chamar a atenção de André Ventura pela linguagem utilizada.